الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ceci est un conseil à nos frères qui veulent suivre la voie salafie, mais que des gens cherchent à les en dévier et éloigner vers d'autres voies, comme en les renvoyant vers des douats non salafis. L'exemple contre lequel nous mettons en garde ici est celui du dénommé Abdelaziz At-Tarifi. J'ai essayé de résumer certaines critiques qui furent écrites à son sujet en langue arabe, et j'implore Allah le Très-Haut pour qu'il fasse profiter de ce modeste travail. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un mujib. Donc pour commencer, je dirais, Abdelaziz At-Tarifi avait écrit ce tweet, je dis ce qu'il avait écrit en arabe. علم الرد على الرجال علم حادث لأن جهالهم لا يعرفون الكتابة انتهى كلامه. Traduction de sa parole. Il avait dit, la science de réfutation contre les ignorants est une science nouvelle ou récente, car les ignorants ne connaissent pas l'écriture. Fin de son tweet. Il oublie que Al-Qur'an Al-Karim est plein de réfutations contre beaucoup d'ignorants, que ce soit des groupes ou des individus. Il oublie aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua nommément à des gens et critiqua des points chez d'autres. Il désigna même des personnes comme faisant partie du combustible du feu. At-Tarifi oublie aussi ou ignore que les sahaba ont réfuté des ignorants, comme avait fait Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui réfuta des qadaris et se désavoua d'eux pour une seule faute, et comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu critiqua ceux qui commencèrent à innover dans les invocations. Et ce sont des choses très connues chez les salafis. Et At-Tarifi oublie aussi que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était ferme pour se désavouer de ceux qui l'avaient divinisé et déifié. Et At-Tarifi oublie aussi que les sahaba rejetaient les erreurs d'où qu'elles émanent. Et At-Tarifi oublie que il oublie les réfutations de l'imam Ahmed contre l'ignorant Ibn Abi Zu'ad al-Mu'tazili. Et il oublie aussi celle de l'imam Ahmed et de Ad-Darimi contre l'ignorant Bishr al-Mirrisi. Il oublie beaucoup de réfutations des gens de la Sunna aussi, comme Ibn Taymiyyah et comme son disciple Ibn al-Qayyim, rahimahumallah. Il oublie leurs réfutations contre beaucoup de sectes et beaucoup d'innovateurs ignorants, à moins que ces gens qui ont été réfutés, à moins que ces gens ne soient pas pour At-Tarifi des ignorants. Ceci étant établi, nous passons maintenant à un point crucial, et qui est celui que At-Tarifi défend le groupe égaré de Al-Ikhwan Al-Muslimoun, Wallahu Al-Musta'an. Et il défend des Ikhwani comme Al-Arifi, et des Khawarij Takfiri comme Usama Bin Laden Al-Khariji. At-Tarifi le défend. La source de ces trois points que j'ai avancés ici sont des audios très répandus, malheureusement, où il défend Al-Ikhwan, Al-Arifi, Ibn Laden. Commençons par sa défense rusée et lancinante des Ikhwan Muflisin, les Ikhwan Faillitaires. Al-Sheikh Muqbir, rahimahullah, les avait dénommés au lieu de Al-Ikhwan Muslimoun, Al-Ikhwan Al-Muflisoun, parce qu'ils sont faillitaires. Il disait, ils sont faillitaires en termes de science légiférée, en termes de science bénéfique. At-Tarifi a amené beaucoup de choubouhats pour tromper ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas assez qui sont les Ikhwan. Ceux qui ne connaissent pas qu'ils sont parmi les pires groupes égarés actuels dans cette Ummah, qu'ils sont un mélange de bid'a et d'égarements profonds. Mais At-Tarifi ne voit pas les égarements des Ikhwan, alors qu'il est à l'affût des erreurs des gouverneurs musulmans, qui ne sont pas infaillibles non plus. At-Tarifi décida de dissocier Al-Ikhwan des groupes égarés comme Al-Jahmiya, comme Al-Khawarij, alors qu'ils sont des Khawarij, Al-Ikhwan Muslimoun, ils sont des Khawarij. Il avait essayé de les dissocier de Al-Jahmiya et de Al-Khawarij et de Al-Murji'a, etc. Ensuite, il a ouvert une parenthèse pour dire que ce n'est pas non plus une école de fiqh, histoire d'endormir et d'éloigner son auditeur de la réalité de la question. Puis, il avoua qu'il présente une diversité. Alors, pour lui, il est impossible de sortir par un jugement pour tout le groupe, qui comprend beaucoup de tendances et beaucoup de gens. Beaucoup de tendances, on dira, c'est beaucoup de mélange de bid'ah. Il présente un mélange de bid'ah. On va dire, ce groupe, il présente un mélange de bid'ah. Et on ne va pas dire, parce qu'il présente une diversité, on ne va pas sortir avec un jugement. En réponse à cette ruse de At-Tarifi, nous disons « وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ » et c'est d'Allah seul que nous sollicitons l'aide, le secours et le succès contre les gens des innovations. Nous disons que les réponses des érudits de la science contemporaine ne ressemblent point à celles de At-Tarifi. Quand Ibn Baz, rahimahullah, fut interrogé au sujet des Ikhwan, à 2 années environ avant son décès, rahimahullah ta'ala, il dit qu'ils font partie des 72 sectes perdantes vouées au feu. Et il n'a pas dit qu'on ne peut pas sortir avec un jugement à leur égard. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, déclara qu'il n'est pas juste de dire que Al-Ikhwan serait parmi Ahl-Sunnah, puisqu'ils combattent la Sunnah. Al-Sheikh Al-Albani, Al-Muhaddith Al-Albani avait dit d'eux, ils ne sont pas de Ahl-Sunnah, parce qu'ils combattent la Sunnah, imaginez. Ils combattent la Sunnah. Et des gens prétendent qu'ils respectent Al-Albani, et ils prétendent qu'ils l'écoutent, et qu'ils l'estiment, et qu'ils le respectent. Et ils défendent l'Ikhwan Muslimin par des ruses. Il avait dit, il est injuste de dire que Al-Ikhwan serait parmi Ahl-Sunnah, puisqu'ils combattent la Sunnah. Et les autres savants comme Muqbil, et Al-Jami, et Al-Najmi, et Ahmed Shakir, Rabi' ibn Hadi, Ubayd al-Jabiri, Salih al-Fawzan, Salih al-Luhaydan, Abdallah al-Bukhari, Abu Abd al-A'la al-Misri, et beaucoup d'autres savants. Tous ces savants ont des positions claires de mise en garde contre la secte innovatrice de Al-Ikhwan al-Muslimoun, Al-Ikhwan al-Muflisoun. Il s'agit d'un groupe égaré, innovateur. Et celui qui y adhère assume son choix d'égarement. Il est impossible de dire qu'un homme soit à la fois Ikhwani et Salafi. Ceci est un paradoxe avancé par cet Ikhwani de At-Tarifi. Cet Ikhwani de At-Tarifi qui dit que l'Ikhwan muslimin comprennent dans leur secte même des Salafi. C'est un égaré, ce Tarifi. Est-ce qu'un homme peut être Salafi et Ikhwani à la fois? C'est impossible d'être Salafi et Ikhwani. C'est impossible d'être Sunni, Salafi et Bid'i. Ce sont deux choses qui s'opposent. Être Salafi et être Bid'i. Et les nombreuses bid'a' du groupe des Ikhwan Muslimin et celles de ses meneurs comme Hassan al-Banna et comme Sayyid Qutb et Muhammad Qutb, Youssef al-Qaradawi, Omar Tilimsani, Muhammad Akif et d'autres, leurs bid'a' ont été relevées et réfutées par les mashayikh, par les nobles savants et par les mashayikh de la da'wa salafiyya bénite. De ce fait, celui qui défend les Ikhwan, leur cherchant des excuses, n'est pas seulement un égaré qui ne voit pas Al-Haq ou qui ne veut pas le voir et le reconnaître, mais c'est un égareur qui veut induire les gens dans l'une des pistes d'Iblis. Et je passe maintenant à un second point. Et parmi les exemples qui dévoilent l'égarement de At-Tarifi, il y a sa défense de Muhammad al-Arifi, après la falsification de celui-ci du sens du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith portant sur l'entendement et l'obéissance, as-sam' wa ta'a au gouverneur musulman dans le convenable. Al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, avait critiqué al-Arifi sur ce point et il le qualifia d'homme de passion, sahibu hawa, et al-Tarifi vient le défendre sur ce point même, wallahu al-musta'an. Et al-Tarifi est parmi ceux qui parlent de la voix des salafs dans ses livres et cours, mais quand la crise vient et quand la crise arrive, il se défait de ses normes et de ses textes pour agir conformément à sa passion d'Ikhwani. On témoigne qu'il incita les Tunisiens à ne pas se rebeller contre le gouvernement des Ikhwan. Chose qui est quand même, on dit, assez bien. S'il avait une bonne intention dans ce conseil. Il avait incité les Tunisiens à ne pas se rebeller contre le gouvernement musulman, le gouvernement des Ikhwan, mais plutôt le conseiller amicalement, conseiller ce gouvernement. Mais al-Tarifi n'a pas reconnu la chute de l'Ikhwani Mursi. Quand Abdel Fattah al-Sisi a pris le pouvoir, pourquoi ne pas le reconnaître comme gouverneur souverain sur le pays? Pourquoi ne pas le reconnaître et dire la même chose que vous avez dit pour les Tunisiens? Il n'a pas reconnu le président Abdel Fattah al-Sisi comme gouverneur ayant pris le pouvoir par la force et qui est un mode reconnu par l'islam. Quand le gouvernement s'impose par la force et qu'il a pacifié le pays, ça y est, c'est un gouverneur reconnu pour que les musulmans ne s'entretuent pas entre eux et ne s'entredéchirent pas pour une question de pouvoir. Il n'a pas reconnu Abdel Fattah Sisi comme gouverneur de ce pays et auquel il faut obéir dans le convenable. Il n'a pas reconnu Wilayat al-Hakim al-Mutaghallib. Al-Tarifi continua à appeler au retour de Mursi parce que c'est un Ikhwani. À la fois Mursi et al-Tarifi, parce que ce sont des Ikhwani. Et pire, al-Tarifi incita les jeunes à désobéir et à se rebeller contre les gouverneurs d'Arabie Saoudite, ce qui prouve qu'il est Khariji Ikhwani. Et je passe à un troisième point. Et relativement à ce fondement de l'obéissance et de l'entendement, as-sam'u wat-ta'a, l'entendement et l'obéissance, al-Tarifi a beaucoup de confusion relativement à ce point dans ce qui suit. Le premier point concernant la confusion de al-Tarifi sur le point de l'entendement et de l'obéissance. Le premier point, il prétend que les textes relatif à cette question concerne uniquement la masse et non pas les savants. La source de sa parole, c'est une risala de al-Tarifi, intitulée Al-Ulama wa Qusur al-Risala. C'est là où il a dit cette sottise, cette confusion qu'il a commise ici, cette séparation qu'il fait. Rappelle sans doute celle des soufis, de As-Soufiya, qui prétendent que la charia ne concerne que la masse. La charia ne concerne que la masse pour les soufis. Alors que l'élite, elle, a autre chose. Elle a al-haqiqa, la vérité. Et sa subdivision innovée aussi rappelle l'égarement des philosophes qui soutiennent que la religion ne concerne que la masse. Afin de régler son comportement, alors que les penseurs, comme eux, les penseurs qui prétendent penser, les penseurs, comme eux, n'auraient pas besoin de religion. Et le deuxième tiré, relativement à la confusion de al-Tarifi par rapport à la question de as-sam' wa ta'a, c'est qu'il parle de ce sujet dangereux sans préciser ses propos. On ne sait pas s'il le fait intentionnellement ou non, mais c'en est une faute grave. En tout cas, par exemple, dans sa défense de al-Arifi, il prétend que des gens aurait pris les textes de As-Sam' wa Ta'a et qu'il les aurait appliqués sur des gouverneurs kafirines, mécréants. C'est At-Tarifi qui s'est exprimé ainsi. Il avait dit que des gens auraient pris les textes de As-Sam' wa Ta'a qui sont dans Al-Qur'an wa As-Sunnah et ils les avaient appliqués avec des gouverneurs kafirines, mécréants. Il devait dire qui sont ces gens ayant agi ainsi et qui sont ces gouverneurs kafirines pour que ces propos ne soient pas utilisés par des gens contre des gouverneurs muslimines. Et le troisième point, relativement toujours à sa confusion sur la question de As-Sam' wa Ta'a, le troisième tiré, c'est qu'il innova que As-Sam' wa Ta'a lui-même, que As-Sam' wa Ta'a lui-même soit conforme au degré d'habilité, comme il l'a dit sur Twitter. Il avait dit, je cite, en arabe, At-tashdidu fi haqq ta'ati al-hakimi yanbaghi rabtuha kada. Wassawab rabtuhu. Il devait dire rabtuhu et non pas rabtuha. Car al-fa'il, le sujet ici, il est masculin, non pas féminin. At-tashdidu. At-tashdidu fi haqq ta'ati al-hakimi yanbaghi rabtuha kada. بمقدار أهلية الحاكم وعدله وربط كامل طاعته الواردة في الوحي في كل حاكم سفي c'est une manière qui est rakika dans l'expression ربط كامل طاعته في كل حاكم تفريط في الطاعة وَإِفْرَاطٌ فِي الْحَاكِمِ. Donc je relis tout son tweet avec les deux erreurs qu'il contient sur le plan de la langue. التَّشْدِيدُ فِي حَقِّ طَاعَةِ الْحَاكِمِ يَنْبَغِي رَبْطُهَا كَذَا بِمِقْدَارِ أَهْلِيَةِ الْحَاكِمِ وَعَدْلِهِ وَرَبْطُ كَامِلِ طَاعَتِهِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَحْيِ فِي كَذَا فِي كُلِّ حَاكِمٍ تَفْرِيطٌ فِي الطَّاعَةِ وَإِفْرَاطٌ فِي الْحَاكِمِ. Ceci est un souffle des ignorants khawarij. Et c'est une innovation certaine, sachant que les hadiths de As-Sam' wa Ta'a parlent du gouverneur injuste et il ordonne de lui obéir dans le convenable et de patienter. Quant au gouverneur juste, il va sans dire qu'il faut lui obéir. Les textes du messager surtout, les textes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la plupart parlent du gouverneur injuste, alors que le gouverneur juste, ça va de soi qu'il faut lui obéir. Et je cite un exemple parmi plusieurs, un exemple des hadiths de ce genre, un exemple parmi plusieurs qui montre l'écart de At-Tarifi par rapport à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال أي حذيفة قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. Traduction rapprochée du sens du hadith. Huzaifa ibn al-Yaman رضي الله عنه, qui interrogeait souvent le prophète صلى الله عليه وسلم sur ce genre de questions qui concernent les crises et les troubles, comment on doit se comporter lors des crises et des troubles. Huzaifa radiallahu anhu rapporte que le messager informa, il y aura après moi des imams, des gouverneurs, il y aura après moi des imams qui ne prennent pas ma guidée comme référence et ils ne s'attachent pas à ma sunnah. Et il apparaîtra parmi eux des hommes ayant des cœurs des diables, qulub shayatin, des cœurs des diables et des corps d'humains. Huzaifa demanda, comment dois-je faire, ô messager d'Allah, si je vis jusqu'à cette époque? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, Tu entends et obéis à l'émir, au gouverneur, à l'émir, même s'il se frappe le dos et s'empare de ton argent. Entends et obéis, recueilli par Muslim. Rahimahullah. Et parmi les graves erreurs de At-Tarifi, c'est qu'il prétend qu'il y a un seul avis sur le jugement de celui qui délaisse la salat par paresse. Plus encore, il prétend un ijma', un consensus, une unanimité, un ijma' sur le takfir de tarik as-salah takasulan, comme il l'a consigné dans son livre. Voici pour les gens qui demandent la référence, qui me demandaient la référence sur Twitter. Voici les références, comme il l'a consigné dans son livre Sifatu Hajjin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au page 19. Et il a réitéré la chose à la page 42. Donc c'est à la page 19 où il parle de cet ijma', de takfir tarik salah chez les tabi'in, et aussi à la page 42 où il considère qu'il y a un seul avis concernant celui qui délaisse la salat, qui délaisse la salat par paresse, précisons-le. Ceci est une faute grave. S'il y a eu ijma' des tabi'in, comme le prétend At-Tarifi, comment se fait-il que les grands imams des madahib, des écoles, comme Abu Hanifa et Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, comment se fait-il que ces gens vont avoir un avis contraire à Al-Ijma'? Et donc il faut se poser aussi la question, que signifie Kharq Al-Ijma'? Que signifie Kharq al-Ijma'? Est-ce qu'un grand savant va casser l'Ijma'? Est-ce qu'un grand savant qui se considère comme musulman, est-ce qu'il peut casser l'Ijma'? Ces gens doivent vraiment réfléchir et doivent un peu lire au sol fiqh pour savoir ce que signifie l'Ijma'. Et que donc il n'appartient en aucune façon qu'un musulman vienne après que l'ijma' s'est établi et vienne le casser. Et Tarifi prétend qu'il y a un ijma' sur tarik as-salat takasulan, qu'il y a un ijma'. Donc Abu Hanifa et Malik et Shafi'i et Ahmed et les autres savants après, et les autres savants de la Umma, ils ont cassé cet ijma'. Ils se sont comportés comme vous comportez d'une manière irresponsable. D'une manière comme des gamins lors des troubles. Vous vous comportez comme des gamins lors des troubles, comme des enfants. Tarifi, Al-Arifi et compagnie. C'est une question qui se dirige à Tarifi et au Haddadi qui se précipite à le propager comme s'il était un savant. Wallahu al-musta'an. Il le présente aux gens comme s'il était un savant. Comme s'il était un savant. Wallahu al-musta'an. Et Cheikh Badr bin Muhammad al-Badr al-Anzi, hafidahullah, réfuta Abdelaziz al-Tarifi sur le point que jeûner 6 jours du mois ne serait pas particulier à Shawwal, mais on peut le faire durant l'année selon al-Tarifi. 6 jours chaque mois, selon Tarifi. Ça ne concerne pas que Shawwal, même si le prophète il a précisé, il a amené un qaïd. En soufira, cela s'appelle Al-Muqayyad. Il a amené un qaïd. Il a dit que cela concerne le Shawwal. Et cet homme, il dit non, ça ne concerne pas que Shawwal, mais on peut le faire durant toute l'année. Ceci est faux, bien sûr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait mentionné cela particulièrement et spécialement pour le mois de Shawwal, déterminé 6 jours pour les autres mois, relèverait de l'innovation, qui est ici une innovation de tashri' en religion. Ces gens, ils sont très sensibles à la question de tashri' et ils parlent beaucoup, ils s'affairent beaucoup autour de la question des gouverneurs et de tashri', alors qu'ils sont en train de faire des choses très graves concernant tashri' dans la religion. Et Cheikh Badr al-Anzi, hafidahullah, a rappelé que ces gens contredisent dans les fondements de la croyance de Al-Aqidah. Pas étonnant donc qu'ils émettent ce genre d'avis dans le fiqh. Et un autre point, c'est que At-Tarifi avait dit sur Twitter qu'il est permis de voler l'argent des juifs là où ils sont dans leur état. Qu'Allah libère la terre de Palestine des mains des juifs. At-Tarifi a dit textuellement dans un tweet, Tanwihun naqalat suhufun kal-wi'am wa ilaf wa ghayruha anni nassan naqalat suhufun kal-wi'am wa ilaf wa ghayruha anni nassan. Voici son texte. La ismata illa li bunuk al-muslimin intaha wa hadha kadhib. At-Tarifi il commente wa hadha kadhib wa kullu dawlatin mu'ahada ala ayyi dinin ma'sumatun wa kullu dawlatin mu'ahadatin ala ayyi dinin ma'sumatun wal fatwa. Voici où il précise wal fatwa an Israël intaha kalamuh wal fatwa an Israël intaha kalamuh. Il dit avertissement, ou notez bien, des journaux comme Al-Wi'am et Ilef et d'autres ont rapporté à mon sujet ce texte. Seules les banques des musulmans sont interdites. Et Tarifi commente, ceci est un mensonge. Tout État ayant un contrat, quelle que soit sa religion, il est interdit, c'est-à-dire il est interdit de le voler, ma'soum, il est interdit. Et la fatwa, sa fatwa à lui, sa fatwa à Tarifi, et la fatwa qui est la sienne, la fatwa de At-Tarifi concerne Israël. Fin. Nous disons que l'islam est innocent de cet égarement de At-Tarifi. Nous disons que l'islam est innocent de l'égarement de At-Tarifi. Et que ce genre de fatwa doivent être prononcés par les grands savants de la Ummah. Comme Allah Azza wa Jal avait dit, وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Émettre ce genre de fatwa à tous les musulmans contre ces banques qui peuvent contenir de l'argent de musulmans ou de gens ayant des conventions avec les musulmans au moins. Ce genre de fatwa ne repose pas sur la charia, mais sur le sectarisme, l'enthousiasme et la passion. Ce qui trouve un écho chez les jeunes démunis de science. Les fatwas de At-Tarifi trouvent un écho chez les jeunes démunis de science et munis de beaucoup de choubouhats déjà, comme le cas des takfiri. Et soit dit en passant qu'il est incorrect d'appeler les juifs ou leur état de les appeler Israël. Israël est un prophète d'Allah, alayhi salam. C'est un prophète, alayhi salam. Israël, c'est Yaqub, c'est un prophète, alayhi salam. On n'appelle pas l'état de ces chiens, de ses frères, des singes, et des cochons, on les appelle pas Israël, on les appelle pas par ce noble nom, mais on l'appelle l'État hébreu ou l'État des Juifs, qu'Allah le libère et le rende entre les mains des Palestiniens auxquels ils ont fait beaucoup de tort. Wallah al-Musta'an. Donc on n'appelle pas cet État Israël comme lui il le fait dans son tweet, mais on l'appelle l'État hébreu ou l'État juif comme Sheikh Rabi' et Cheikh Al-Fawzan l'ont fait remarquer. Et en guise de conclusion, nous conseillons à nos frères qui aiment la vérité et qui la respectent d'oublier ce genre de prédicateurs au moins, sinon mettre en garde contre eux, d'oublier ce genre de prédicateurs qui ne sont pas sur la bonne voie, comme ici At-Tarifi et comme Al-Hazimi, Al-Ghamidi, Al-Juhani, Al-Huwayni, Al-Maghrawi, Hassan, Al-Arifi, Al-Ouda, Al-Hawali, et ils sont nombreux. Qu'Allah sauve la Ummah et les jeunes surtout de leurs ruses. Nous conseillons à nos frères de s'éloigner de ces gens, de s'écarter de ceux qui se fanatisent pour certains parmi eux, car ces gens ne propage pas la voie salafie, qui est la secte sauvée et victorieuse. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Non, ces gens ne propagent pas ce minhaj qui est correct. Ils propagent plutôt des voies des sectes égarées, qu'ils le veuillent ou non. Comme avait fait At-Tarifi dans ce que nous avons vu, il a défendu Al-Ikhwan pendant quelques 8 minutes. Il était en train d'inculquer aux jeunes et aux débutants ces choubouhats pour innocenter les Ikhwan, malgré les nombreux écrits et les nombreuses paroles et conférences des savants pour mettre en garde contre ce fléau des Ikhwan, ce fléau qui constitue l'une des grandes embûches, l'un des grands obstacles vers la propagation de l'islam sunnite, l'islam salafi. C'est donc les Ikhwan, c'est parmi les obstacles de la propagation de l'islam dans le monde. Donc ces gens propagent plutôt des voies égarées, qu'ils le veuillent ou non, comme celle des Ikhwan et de Al-Haddadiyya, de Sururiyya, de Al-Takfir Al-Bid'i, de Al-Qutbiyya, et ainsi de suite. Nous recommandons à nos frères de s'attacher à la méthodologie de As-Salaf Salih, de bien connaître cette voie et ses règles, et de ne pas accepter la parole d'un tel ou la règle qu'il veut passer avant de s'assurer que c'est bien une règle de la voie salafi et non pas une règle ou une opinion ou une analogie inventée par lui de son sac, qu'il ne sorte de son sac comme les règles que sortent Al-Halabi et Al-Ma'ribi et At-Tarifi ici. Car par Allah, les prédicateurs égarés et égareurs sont nombreux et ils t'appellent par tout moyen vers leur idéologie corrompue. Qu'Allah te sauve de leurs complots, de leurs pièges et de leurs ambiguïtés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.